De nouveaux grades se créaient, mais pour y accéder, il fallait d'autres connaissances et pratiquer d'autres modes de traction. Devant l'immobilier des syndicats, peu préoccupé du devenir de quelques-uns, il fit sur sa demande une ultime reconversion à la traction électrique. La boucle était bouclée. Au fil du progrès et des opportunités, il avait connu tous les modes de traction en moins de 12 ans. Après un court séjour au service marchandises mixtes du diesel et de la vapeur, il se retrouva rapidement au grand roulement, celui des rapides, côtoyant sans complexe les grandes gueules du dépôt. Naturellement, les parcours s'allongeaient. Lyon-Perrache, Marseille, Toulouse, et puis Portbou, en Espagne, d'où l'on ramenait un pastis bon marché, mais pas toujours de première qualité.